Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Clovis, un vase, un baptême, un mythe. Lisons l'histoire de France pour le cours élémentaire d'Ernest Lavisse. Vous savez, chaque chapitre se termine par un petit résumé. Celui sur les Francs en Gaule est édifiant. 400 ans après la conquête de la Gaule par les Romains, les Francs vinrent s'établir en Gaule. Ils choisirent pour roi Clovis en l'année 481. Clovis n'était pas chrétien, mais il épousa une chrétienne, Clotilde. Il se fit baptiser et devint maître de toute la Gaule. Lourd de sens cette conjonction de coordination. Et devient maître de toute la Gaule. Est-ce la conséquence du baptême ou bien est-ce la suite chronologique? Lavisse plante le clou. Régine Lejean, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire du vase de Soissons? D'abord, je voudrais ajouter au petit extrait que vous avez lu de l'histoire de France de Lavisse que Lavisse écrit que les Francs sont venus d'Allemagne. Vous n'aviez pas vu ça? Les Francs sont venus d'Allemagne. J'ai vérifié hier dans le cours élémentaire. Il dit que les Francs venus d'Allemagne, etc. Il écrit en 1913, effectivement. Alors, les Alamans existaient du temps de Clovis, mais l'Allemagne, c'est autre chose. L'Allemagne, c'est autre chose. Donc ça, c'est dans le contexte nationaliste de cette époque-là. Alors, l'histoire du vase de Soissons, telle que la rapporte Grégoire de Tours, la voici. Clovis, vainqueur, aurait pris un butin, ce qui est parfaitement normal à l'époque. Et de ce butin, il aurait extrait un vase d'argent qu'un évêque, dont on pense qu'il s'agissait de l'évêque de Reims, Rémy, lui aurait demandé. À la suite de quoi, l'un de ses guerriers refuse de donner ce vase, arguant que ce vase faisait partie de sa part de butin, puisque le butin était partagé entre tous les guerriers. Clovis est obligé finalement de rendre le vase aux guerriers, mais un an plus tard, il se venge en passant les troupes en revue, ses troupes en revue, et il frappe le guerrier et le tue en lui disant « Souviens-toi du vase de Soissons », prétextant que ses armes sont mal entretenues. Souviens-toi du vase de Soissons. Souviens-toi du vase de Soissons. Laurent Hesse, bonjour. Bonjour. Souviens-toi du vase de Soissons fait partie de ces mythes, de ces mythologies, de ces lieux de mémoire de l'histoire de France. Alors son assomption dans la mémoire collective est extrêmement tardive. Quand on lit les chroniques qui succèdent à celles de Grégoire de Tours, et pendant longtemps, dans la mythologie qui s'est construite autour de Clovis, le vase de Soissons n'apparaît pas. Comme si c'était un élément mineur ou difficile d'interprétation. Et en effet, c'est difficile de l'interpréter. En revanche, principalement au XIXe siècle, alors il y a une résurrection du vase de Soissons au moment où Clovis entre dans les manuels scolaires dont vous avez cité l'un d'eux. Mais l'enseignement de l'histoire commence beaucoup plus tôt, sous la monarchie constitutionnelle, sous la restauration de la monarchie de Juillet. Et là, à des fins de pédagogie, d'édification des jeunes gens, eh bien, le vase de Soissons réapparaît. D'une part parce que l'historiette est facile à raconter, d'autre part parce que c'est le bon ouvrier qui a de bons outils. Donc si tes armes ou tes stylos ou tes crayons ne sont pas en bon état, tu mérites un châtiment. Il y a donc une pédagogie du vase de Soissons qui est très, très éloignée du fait originaire sur lequel on se prononce mal. Car comme le disait Régine Rejean, mais j'ajoute un petit détail, c'est que Clovis a réussi à récupérer le vase, séance tenante, et à le rendre à l'évêque de Reims. Et alors on ne comprend pas pourquoi, puisqu'il a obtenu gain de cause, un an après, alors qu'il avait qu'à le faire tout de suite, il a fondu le crâne, il a sans doute une concrétion, une agglomération de traditions orales dont nous ne percevons plus exactement comment elle s'est constituée. Mais dans les siècles qui ont suivi Clovis, le vase de Soissons a été un peu éteint. Et pour rassurer les auditeurs, sachons que le vase de Soissons n'a pas été cassé, puisqu'il était en métal, et que le guerrier a tapé dessus, c'est un percussor, c'est un très joli mot latin, percussor sur le vase. Il a été cabossé. Voilà. On peut dire qu'il a été cabossé. C'est ce qui est passionnant avec cette histoire de Clovis, souviens-toi du vase de Soissons et tant d'autres éléments, c'est que cette histoire fait partie de notre mémoire, mais l'histoire elle-même, et vous l'avez rappelé, Laurent Hesse, est très éloignée. Petit état de la Gaule au 5e siècle. On n'était pas plutôt habitués aux Romains. Bon, voilà les barbares. Des barbares partout. Les Goths à Poitiers, les Alamans à Metz, les Burgondes en Bourgogne, les Francs à Soissons. Fini l'Empire romain. C'était ça la Gaule, une vraie pagaille. Dans ce temps de barbares, il y en avait un qui était un peu plus malin que les autres et il s'est fait baptiser. On dit que c'est sa femme, Sainte Clotilde, qui lui a donné l'idée. Ils sont forts, les évêques. Clovis, il s'appelait ce barbare-là. Et il t'expédie les Goths en Espagne, et il t'envoie les Alamans voir s'il est de l'autre côté du Rhin. Tout ça à coup de Francisque. Et nous voilà francs. Bravo! On s'était pas plutôt habitué à Clovis. Bon, voilà qui meurt. Ça arrive à tout le monde. Et il laisse quatre fils. Quatre. Théodoric, Clotaire, Childebert, Clodomir. Et nous voilà avec quatre rois. Quatre! Ils sont tous rois, c'est bon. Et ça y est, voilà la pagaille qui recommence. Pire qu'avant Clovis. C'est ça la Gaule. Voilà, voilà la Gaule. Voilà! Ça fera jamais un pays. Ça fera jamais un pays. C'est l'histoire de France racontée par Jean-Pierre Decourt en 1970. Régine Lejean, quelle est la place de Clovis dans cette histoire? La Clovis, souverain présenté comme le premier roi, etc. Mais non, il s'inscrit dans une longue histoire. Quelle est-elle, cette histoire? Alors, une longue histoire. Qu'est-ce que vous vouliez dire par une longue... Je veux dire, ce n'est pas le début. Non, ça n'est pas le début. Et d'ailleurs, il est d'abord le successeur de son père, Childéric, qui a déjà été un des personnages les plus importants de l'histoire de la Gaule à la fin du 5e siècle. Sinon, une longue histoire, pas une longue histoire des Mérovingiens, puisqu'on ne sait pas grand-chose sur les Mérovingiens avant Childéric. Quant à l'histoire des Francs, l'histoire du peuple franc, elle est également bien obscure, parce que à la différence des Goths ou même des Burgondes, on ne sait pas grand-chose de ces Francs qui apparaissent au IIIe siècle. Un agrégat de tribus qui sont installées près de l'embouchure du Rhin et de la Meuse et qui s'unissent à ce moment-là en une ligue qui est appelée Franque, mais qui est appelée Franque par les Romains. Et à partir de là, ils vont faire une lente migration dans le long du Rhin, d'une part, et dans l'ouest de ce que l'on peut appeler la Gaule à l'époque, mais qui comprend la Belgique, jusqu'à se prendre un certain nombre de cités romaines, comme par exemple Tournai ou Cambrai. Et c'est la situation où l'on se trouve à la fin du 5e siècle, disons à l'époque de Childéric, avec un groupe de Francs qui se trouve dans la région rhénane et qui a fondé un royaume, le royaume des Francs que l'on appelle Rhénan, et d'autres tribus que l'on va appeler saliennes, du nom de la loi salique, mais enfin c'est un nom a posteriori, qui a été attribué à ces tribus qui sont dirigées par des chefs qu'on peut appeler des roitelets, des régoulis, parmi lesquels se trouve Childéric qui est le plus puissant d'entre eux. Voilà si l'on veut un peu retracer l'histoire des Francs avant Clovis et sans prendre en compte les origines troyennes qui viennent après. À quel moment Clovis prend le pas sur son père Childéric? Parce que dans cette histoire-là, il y a, et nous l'entendons dans ce que vous dites, énormément de reconstruction, oui. De construction, la loi salique, etc. Tout ça est postérieur aux événements, bien sûr. Naturellement. Mais Clovis ne prend pas le pas sur son père. Childéric meurt aux environs de 481. Et à ce moment-là, Clovis va lui succéder dans des circonstances que nous connaissons mal. Nous ne savons pas s'il y a eu d'autres héritiers, c'est-à-dire si Childéric avait d'autres fils en position de lui succéder également, nous n'en savons rien. Le seul que nous connaissons est Clovis, mais il a certainement eu d'autres compétiteurs pour prendre le leadership, si vous voulez, sur ses Francs. En particulier d'autres petits roitelets appartenant à la même famille mérovingienne, ou en tout cas des rois francs à Cambrai, dans d'autres cités. Et c'est lui qui organise les funérailles de son père. Et je crois que les funérailles sont un moment important parce que ces funérailles sont assez extraordinaire d'après les fouilles qui ont pu être réalisées et la découverte de la tombe de Childéric qui intervient au XVIIe siècle. C'est ce que l'on appelle une tombe princière de la fin de l'Antiquité, avec un tumulus, mais un trésor qui a été en partie volé à la Révolution, mais dont on a retrouvé un certain nombre de pièces. Et puis surtout, les fouilles récentes, il y a quelques dizaines d'années maintenant, ont mis à jour des tombes de chevaux, plusieurs tombes de chevaux, dont l'une d'entre elles contenait plus de 15 animaux qui avaient été décapités, et ces chevaux ont été sacrifiés, évidemment. On pense qu'il y avait d'autres tombes de chevaux faisant un cercle autour de la tombe de Childéric. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel. Et ça peut être interprété de différentes manières, mais c'est très certain, c'est évidemment Clovis qui a orchestré ces funérailles que l'on peut appeler complètement païennes, hein, naturellement, mais c'est très certainement de sa part la volonté de s'imposer à ses compétiteurs qui pouvaient lui disputer le pouvoir et se rallier au fond les fidèles de son père en même temps que sa position. En Belgique seconde, la province romaine de Belgique seconde. Voilà, c'est un fils qui prend ses responsabilités, qui voilà, offre si des funérailles grandioses à son fils, à son père Childéric. Mais je voudrais préciser ma question, à quel moment Clovis prend le pas dans les mémoires sur son père? Parce que si on fait le concours entre Childéric et Clovis, c'est vrai que le nom de Clovis revient plus facilement que celui de Childéric. À quel moment, Laurentès? Ben, le moment, c'est celui auquel... Grégoire de Tours, donc dans les années 580, au moins trois générations, sinon quatre après les événements, consigne à sa façon et selon des modèles déjà en usage, cette histoire. Donc Childéric, dans l'index de Grégoire de Tours, Childéric est très peu nommé, alors que Clovis, sur 20 à 25 pages, apparaît constamment. C'est à ce moment-là que la figure de Clovis, d'un point de vue historiographique et mémoriel, se détache de celle de son père. Si nous avions des archives sur son père, il est vraisemblable qu'on pourrait en dire tout autant. Cela dit, de Childéric à Clovis, il y a quand même un pas qui est franchi dans la domination des populations de la Gaule de l'époque. Oui, parce que Childéric est le roi des Francs saliens quand Clovis devient le roi des Francs. Et puis surtout, il y a ce baptême. Laurentès, vous avez cité Grégoire de Tours. Ça tombe bien, il est avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Il s'appelle Daniel Königsberg. Jésus-Christ, que Clotilde affirme être fils du Dieu vivant, qui, dit-on, donne du secours à ceux qui sont en danger et accorde la victoire à ceux qui espèrent en toi. J'invoque avec dévotion la gloire de ton secours. Si tu m'accordes la victoire sur mes ennemis et que je fasse l'épreuve de cette puissance dont le peuple, consacré à ton nom, dit avoir reçu tant de preuves, je croirai en toi et me ferai baptiser en ton nom. Car j'ai invoqué mes dieux, et comme je l'éprouve, ils se sont éloignés de mon secours si tu me fais croire qu'ils ne possèdent aucun pouvoir, puisqu'ils ne secourent pas ceux qui les servent. Je t'invoque donc, je désire croire en toi, seulement que j'échappe à mes ennemis. Comme il disait ces paroles, les Alamans, tournant le dos, commencèrent à se mettre en déroute, et voyant que le roi était mort, ils se rendirent à Clovis. Daniel Königsberg qui lisait cet extrait de l'histoire des Francs de Grégoire de Tours, donc écrit quelques années après les événements, une soixantaine d'années à peu près après les événements. Nous ne dirons jamais le rôle essentiel des historiens et des historiennes pour faire d'un personnage eh bien un mythe. Alors, dans ce moment que nous entendons, il y a la conversion de Clovis. Régine Lejean, moment essentiel. La conversion d'un roi franc au christianisme est une rupture. Nous parlerons de la récupération, mais ce moment-là est déjà essentiel. Ah, tout à fait, ce moment-là est déjà essentiel. Je dirais que la conversion de Clovis au christianisme était inévitable, parce que il était le dernier roi païen, en tout cas à l'ouest du Rhin. Les autres rois barbares, dits barbares, c'est-à-dire le roi des Burgondes et le roi des Visigoths, étaient déjà chrétiens. Certes, ils étaient chrétiens ariens, une confession différente de ce que l'on peut appeler le catholicisme, mais chrétiens. Donc, l'enjeu, c'était de savoir quand et à quelle confession Clovis se convertirait. Mais le paganisme était déjà, je ne peux pas dire mort, mais Clovis devait se convertir de toute façon. Oui, parce que dans cette histoire, et c'est cela qui est intéressant, quand nous évoquons le baptême de Clovis, je ne donne pas la date parce que la date est sujet à caution. Enfin, nous sommes à la fin du 5e siècle, Laurentès. Vous diriez-vous quoi comme date? Vous, 496? Écoutez, un petit peu après? Je sais que Régine Lejean dirait plutôt 507. Bruno Dumézil, qui a publié le dernier livre sur Clovis, lance 505 avec un point d'interrogation en matière de provocation. Moi, dans mon livre déjà un peu ancien, je trouvais 498 ou 499 était pas mal, mais je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance. Votre ouvrage, hein, Laurentès, c'est Clovis de l'histoire au mythe. Et c'est vrai que cette réflexion sur le baptême de Clovis, vous venez de dire une chose essentielle. Nous ne sommes pas un an ou deux ans près. La discussion ne doit pas tourner autour de l'année précise. C'est pas ça qui est important. Non, mais la datation a cet intérêt de montrer comment Grégoire de Tours, me semble-t-il, a construit son récit. Il est évident que tout est fait pour que Clovis soit le nouveau Constantin. Or, dans les chronologies romaines, les quinquennalia, c'est-à-dire les 5 en 5, comptent beaucoup. Il apparaît en 481, il est première fois vainqueur sur un général romain, Siagrius, en 486, ça continue comme ça, 496 tombe aussi, si vous voulez, dans ce schéma. Et deuxièmement, l'extrait qui vient d'être lu montre bien à quel point on colle à Constantin, parce que tout est fait pour rapprocher ce baptême de 498 ou la bataille de Tolbiac quand on voudra, de ce qui s'est passé au pont Milvius en 312, quand Constantin, pour battre Maxence, invoque le dieu de sa mère Hélène, et non pas de sa femme Clotilde, pour dire « donne-moi la victoire et je croirai en toi, pour aller vite ». Et avec Rémy dans le rôle de Sylvestre le pape, indûment présenté comme ayant baptisé Constantin. Donc la construction déjà nous montre à quel point il s'agit donc pas d'un ouvrage d'histoire, mais beaucoup plus intéressant pour celui qui l'écrit et pour ceux qui le lisent ou l'entendent, un ouvrage de propagande, de reconstruction idéologique pour faire prévaloir une idée. On n'écrit pas l'histoire au 6e et 7e siècle pour le plaisir de raconter, mais parce qu'on a un objectif politique, idéologique, spirituel, ou les trois à la fois. Régine Lejean, dès le 6e siècle, au moment où Grégoire de Tours écrit, ça y est, Clovis est déjà récupéré politiquement. Oui, Clovis s'est récupéré politiquement par Grégoire de Tours, c'est évident. Bon, il n'empêche que les faits sont là et qu'il s'est converti. Donc, de ce point de vue-là, ça n'est pas une récupération. Mais il est le roi franc converti à la religion chrétienne, dans la tradition nicéenne, c'est évident. Et pour Grégoire de Tours, c'est le fondateur, c'est-à-dire celui qui s'est converti. Donc, et qui ensuite a battu les Visigoths. Et pour Grégoire de Tours, le prisme est là. Grégoire de Tours est évêque de Tours, donc une cité qui appartenait au royaume visigothique. Et Grégoire de Tours, quand il écrit à la fin du VIe siècle, est très hostile aux Visigoths d'Espagne. Et c'est dans cette perspective-là, si vous voulez, dans la perspective du contexte de la fin du VIe siècle, de l'écriture de Grégoire de Tours, qu'il faut voir la façon dont il présente le baptême, je pense. Hein. Et puis, il y a toujours cette idée de dynastie, de héros fondateur. Régine Lejean, vous avez écrit les Mérovingiens, notamment, c'est un passage. Comment s'inscrit Clovis dans cette histoire des Mérovingiens avec des fondateurs plus ou moins mythiques, et puis la réalité d'un souverain qui devient le roi des Francs? Alors, vous savez, une dynastie, c'est un processus, hein, c'est une construction qui est une construction lente. On ne peut pas dire que ce soit Clovis qui ait créé une dynastie. Clovis est d'abord le fils de son père. De ce point de vue-là, il y a une transmission. Ensuite, le royaume est partagé entre ses fils et la dynastie se constitue progressivement. Mais ces Mérovingiens, qui ne s'appellent pas Mérovingiens, puisque le nom de Mérovingien n'apparaît qu'au 7e siècle, hein, dans les chroniques de Frédégaire, donc même dans la seconde moitié du 7e siècle, ces Mérovingiens ont à lutter contre des compétiteurs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Clovis a dû lutter contre des compétiteurs et il en élimine un certain nombre brutalement à la fin de son règne, compétiteurs qu'il avait d'ailleurs aidés. Et ensuite, son fils Thierry lutte lui aussi contre des compétiteurs de la même famille des rois chevelus. Donc c'est un processus lent qui se met en place et qui concourt à la création d'une dynastie. Et en fait, cette dynastie n'existe réellement que lorsque ils écrivent leur généalogie. Et l'écriture de cette généalogie, c'est au tout début du 7e siècle. Et là, on bascule dans le mythique, parce qu'il faut toujours des ancêtres mythiques dans une dynastie au Moyen-Âge. Et aller chercher le plus loin possible. Voilà. Bah, c'est mieux, ça, légitime. Mieux. Bah, oui, mieux. Parce qu'on ne peut pas être le seul, l'unique mérovingien. Non. Puis-je vous aider ? France Culture. Oui, nous voudrions parler au mérovingien. Le cours de l'histoire. Ah, bien entendu. Le mérovingien vous attend. Veuillez me suivre. Xavier Mauduit. C'est dans le film Matrix Reloaded qu'il est question d'un mérovingien. Aujourd'hui, nous nous intéressons à Clovis avec son vase. Nous l'avons évoqué. Le baptême, il faut en parler parce que nous avons ce moment majeur du baptême. C'est très court, hein. C'est peut-être une journée et pas plus. Mais ce moment est sans cesse fantasmé. Laurentès, peut-être pouvons-nous plus réfléchir à l'aura de ce moment qu'au moment lui-même ? Parce que le moment lui-même, nous n'en savons rien, sinon qu'il y a un personnage Rémy, c'est déjà important, qu'il y a évidemment Clovis, parce que sinon personne ne se fait baptiser, et une ville, Reims. Et une troupe de guerriers qui est censée représenter le peuple franc lui-même, qui se fait baptiser à la louche dans le mouvement. Naturellement, ils ne sont pas 3000. 3000 est un chiffre qu'on trouve dans le Nouveau Testament et qui n'a... C'est simplement indicatif d'un grand nombre de guerriers qui franchit le pas, parce que peut-être n'était-il pas si facile d'entraîner cette aristocratie dans ce basculement, qui est un basculement sur la foi de Clovis. Il est impossible de dire quoi que ce soit. À quoi croit-il ? Avec quelle intensité ? Qu'est-ce que la foi à l'époque, chez quelqu'un qui vient d'une culture qui n'est pas tout à fait celle-là, même s'il connaît la romanité depuis longtemps, c'est difficile à dire. Donc le geste est évidemment politique au sens moderne et peut-être un peu anachronique du terme. Mais le baptême de Clovis, il a servi plus tard. C'est-à-dire que sa vie, comment dirais-je, postérieure et sa vie féconde, elle commence, à mon avis, davantage au 9e siècle. Pour un domaine qui m'est cher, c'est l'époque des Carolingiens, quand le petit-fils de Charlemagne, Charles le Chaud, le 9 septembre 869, dans la cathédrale de Metz, qui est un des hauts lieux de la piété franque, se fait couronner et sacré roi de Lorraine, et qu'à ce moment-là, l'archevêque de Reims rappelle et indique, d'une part, que Charles le Chauve est le descendant de Clovis, par son père Louis le Pieux, car Clovis et Louis, entre Clodovius et Louis, Ludovicus, c'est le même nom, et à partir du début du 9e siècle, le nom de Clovis, qui avait été presque abandonné par la monarchie franque, refait un retour en force, et que l'archevêque de Reims, le grand Hincmar, déclare que Charles le Chauve est l'héritier digne de régner en Lorraine, comme l'avait fait Clovis, son ancêtre, et que le sacre est la répétition du baptême qui avait eu lieu le 25 décembre, d'une date que nous ne donnerons pas, en tout cas, 3 siècles et demi auparavant. Et c'est donc en coagulant le baptême de Clovis avec le sacre des rois qui avait été réintroduit, ou plutôt introduit chez les Francs, par Pépin le Bref en 754, que l'événement a pris un sens extrêmement fort, puisqu'à partir de là, tous les successeurs des rois francs, puis de France, sont passés par cette liturgie qui remonte et qui est ramenée, qui est rabattue sur Clovis. Et la première grande ascension de Clovis, je crois, dans le mémorial franc ou français, c'est ce sacre de 869. Une des missions du cours de l'histoire, c'est de comprendre les choses. Aujourd'hui, comprendre la récupération de Clovis, une récupération politique, et puis d'apprendre des choses toujours pratiques pour la machine à café. Laurentès, vous nous dites que le prénom Louis, que nous connaissons si bien, et particulièrement pour nos rois de France, c'est Clovis. Clodovicus, on enlève le C, on trouve Louis. C'est une latinisation d'un mot dont on aperçoit pas bien l'étymologie, mais qu'on a remis d'ailleurs à la mode au début du 19e siècle. Pour montrer à quel point les Francs étaient des gens intéressants, Augustin Thierry, qui est le père des études mérovingiennes renouvelées, l'a appelé Clodovic. Ça faisait plus chic. Il a dit « ce sont les Francs », avec un K, comme Franck Ferrand, et il a dit « c'est Clodovic et non pas Clovis ». Et ses successeurs, Chateaubriand, dit lui « Clovic », pour montrer qu'on régénère le mythe de Clovis. La régénération du mythe de Clovis, nous en parlons, c'est le sujet de l'émission, elle se fait à des époques différentes, dans des périodes de tension, de crise ou de renouveau intellectuel et politique. Ce n'est jamais le même Clovis que vous rencontrez, Régine Lejean, quand vous étudiez un personnage comme celui-là, parce que ce Clovis du 5e siècle, dont nous savons peu de choses, n'est pas le même que raconté par Grégoire de Tours, et puis évidemment est très différent du Clovis peut-être fantasmé par les souverains qui lui succèdent. Oui, bien entendu. Comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, nous savons peu de choses hein, du règne de Clovis, sinon que il a conquis une grande partie de la France, de ce qui était la Gaule et de ce qui va devenir la France, par des étapes successives. Ça, ce sont des faits. Nous avons encore un certain nombre de faits. La réunion du Concile d'Orléans en 511, qui va poser les cadres de ce qui des relations entre le roi et les évêques catholiques. Nous savons également qu'il a été inhumé dans la basilique qu'il s'était fait construire près de la tombe de Sainte-Geneviève, la basilique des saints apôtres. À Paris, oui. À Paris, sur la montagne Sainte-Geneviève, et que son épouse Clotilde a souhaité y être inhumée également. Donc nous connaissons un certain nombre de choses. Mais ensuite, toute cette histoire de Clovis, mal connue quand même, est effectivement récupérée. Mais elle n'a pas été récupérée, comme l'a dit Laurent Theis, avec la même intensité selon les périodes. Laurent Theis. Pour faire suite à Régine Lejean, l'avantage de Clovis et le fait qu'il ait pu être mythifié comme cela, c'est le fait que, d'une part, on sait quelque chose davantage que sur son prédécesseur, donc on peut dire des faits, mais en même temps, on n'en sait pas suffisamment, et donc il est plastique. Mmh. On peut le réinterpréter, le modeler, et l'adapter aux circonstances et aux périodes. C'est assez commode. Quand on a Napoléon, l'interprétation est difficile parce que les faits sont connus jour par jour, presque heure par heure. Parce que là, on a un matériau, c'est un peu, si vous voulez, de la pâte à modeler. Et donc, on le remodèle sur la base de quelque chose de consistant, qui est cette pâte-là, mais une pâte très molle. Et dans cette pâte, eh bien, nous retrouvons Grégoire de Tours. Ce fut le roi qui, le premier, demanda à être baptisé par le pontife. Il s'avance, nouveau Constantin, vers la piscine pour se guérir de la maladie d'une vieille lèpre et pour effacer avec une eau fraîche de sales taches faites anciennement. Lorsqu'il y fut entré pour le baptême, le saint de Dieu l'interpella d'une voix éloquente en ces termes « Courbe doucement la tête, ô sycambre ». Adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. Ainsi donc le roi, ayant confessé le Dieu Tout-Puissant dans sa Trinité, fut baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et oint du Saint-Crème avec le signe de la croix du Christ. Plus de 3000 hommes de son armée furent également baptisés. Un nouvel extrait de l'histoire des Francs de Grégoire de Tours, lu par Daniel Königsberg, avec, encore une fois, une de ces petites phrases sans cesse répétées. Courbe-toi, fier sycambre. Sycambre, on peut préciser d'ailleurs, parce que ce sont des mots qu'on répète, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ce sont les Francs, en réalité. Hein. C'est une tribu franque, voilà. Courbe-toi, franc, mais alors... Baisse la tête. Voilà, pour être baptisé. Et puis, il y a toutes ces phrases, adore ce que tu as brûlé, etc. Mais dans cette construction-là, dites-nous, Laurentès, vous avez étudié ce mythe de Clovis. Le fait qu'un roi franc soit baptisé est très important. On en fait un début. À quel moment en fait-on un début? Au sens où, vous nous l'avez dit, Régine Lejean, bien avant, il y avait d'autres souverains baptisés. Et puis, je pense que le paganisme, peut-être hors des villes en tout cas, demeure pendant des siècles, et peut-être encore parfois aujourd'hui dans certaines forêts bretonnes. Je voudrais d'abord, à la suite de cette lecture, rappeler ce que Clovis aurait sans doute répondu. « Cambre-toi, vieux si courbe ». C'est une plaisanterie d'Alphonse Allais, mais que je trouve très bonne. Donc, à quel moment est-ce que le baptême de Clovis apparaît comme un geste fondateur? Moi, je n'ai pas tout lu, mais enfin, j'ai beaucoup lu. Je le vois véritablement à l'époque carolingienne. C'est-à-dire que c'est là que le baptême, confondu avec le sacre, apparaît dans une dimension de légitimation, avec ce qui s'y ajoute de merveilleux, c'est-à-dire l'ampoule. Ah, la sainte ampoule. Dont on n'a pas trace avant le milieu du XIe siècle, ou plus tôt. La colombe, qui peut être un ange aussi quelquefois, qui rapporte le crème au Saint-Esprit, et le fait qu'au fond, par cette procédure, on quitte un petit peu Reims à l'époque du baptême pour venir dans les eaux du Jourdain. C'est-à-dire que Rémy prend la posture au fond de Jean-Baptiste et Clovis apparaît comme une sorte de Christ au petit pied, un Christ redivivus. Et donc, il y a une consécration, une intensité, une charge à la fois spirituelle, politique et émotionnelle très grande qui permet de renvoyer à ce geste qui peut-être serait passé un peu inaperçu s'il n'avait pas été récupéré de cette façon. Le baptême, à mesure aussi que l'Occident se christianise, comme l'a très bien dit Régine Lejean, la christianisation est en cours, mais elle n'est peut-être encore que superficielle dans les élites, etc. Donc le baptême prend de plus en plus valeur de passeport pour entrer dans ce qui devient la chrétienté, qui n'est pas encore la chrétienté à l'époque de Clovis, mais qui devient de plus en plus cette chrétienté, ce peuple que l'empereur carolingien, a pour charge de conduire de la Jérusalem terrestre vers la Jérusalem céleste. Et alors à ce moment-là, le baptême devient le geste fondateur qui permet à la royauté de s'ancrer, d'avoir un pied sur terre et le front dans le ciel. Donc c'est là, au fond, comment dirais-je, la spiritualisation, le fait que la légitimité devienne de plus en plus consacrée, sacrale, traçant un lien direct entre la divinité et son représentant. Le Saint-Crème qui est apporté pour le baptême de Clovis par une colombe, moi je dis l'image qui a longtemps été véhiculée, conservée dans la sainte ampoule. Mais vous, Régine Lejean, tout ça, au moment de travailler sur les Mérovingiens, vous n'en parlez pas parce que ça n'existe pas encore. C'est après que cela apparaît. En fait, c'est un Khmar de Reims, comme l'a dit Laurent Theil, c'est un Khmar de Reims qui invente, on peut bien dire, cette histoire dans un contexte là encore particulier, c'est-à-dire qu'il cherche à imposer la primatie de l'église de Reims, de son siège archiépiscopal de Reims, contre la province de Lyon et la province de Sens. Et donc, dans ce contexte-là, il impose l'idée que le baptême a eu lieu à Reims, parce qu'on n'en est pas sûr que le baptême de Clovis ait eu lieu à Reims, de même qu'on n'est pas sûr complètement que Saint-Rémy ait été le seul artisan du baptême, le seul prélat. Il y avait probablement d'autres évêques. Rémy a certainement joué un rôle important, mais nous ne savons pas exactement lequel. Donc, il y a là un travail d'un Khmar de Reims pour imposer la primatie de Reims contre ses compétiteurs et rivaux, archevêques du royaume de Charles le Chauve. Et c'est dans cette perspective-là qu'il invente tout ça et qu'il lie baptême et sacre, alors qu'en fait, évidemment, comme on sait, les Mérovingiens n'ont jamais été sacrés, et que Pépin le Bref est le premier à être sacré sans faire référence au baptême de Clovis. Donc il y a là un lien qui se fait dans un contexte particulier. Oui, avec vraiment un écart, parce que écart chronologique, bien sûr, entre le moment du baptême de Clovis et puis celui d'Incmar Laurentès. Vous écrivez Charles le Chauve, l'Empire des Francs, qui paraît chez Gallimard. Et bien sûr, il y a un index, toujours pratique les index. C'est un livre sérieux, mais qui se lit bien. Donc c'est toujours agréable le sérieux qui se lit bien. Et nous avons Clovis, qui est, alors je ne dis pas omniprésent, mais malgré tout incontournable. Et oui, parce que c'est la récupération de l'ancêtre. On rabat sur Clovis l'actualité, au fond. Au Moyen-Âge, sans pousser trop la généralisation, on a la culture du rétroviseur. C'est-à-dire que ce qui est important, ce qui est bien, c'est ce qui s'est passé avant. Constantin, c'est bien. Mais si on remonte encore plus haut, au Christ, c'est mieux. Si on remonte encore plus haut, et toujours, on légitime ce qu'on fait dans la nécessité présente, dans la conjoncture, par des précédents. En sachant que rien n'est mieux que ce qui s'est passé avant, et que le monde, au fond, va à sa perte, ne cesse de se dégrader. Grégoire de Tours l'explique en tête de son Histoire des Francs. Avant, c'était bien mieux. Aujourd'hui, on ne sait plus lire, on ne sait plus écrire, on se bat. La vraie foi disparaît, l'hérésie triomphe. Et on fait ça chez les clercs du Moyen-Âge. Ça n'est pas simplement une posture. On fait ça tout le temps, au moins jusqu'au XIIIe siècle. Et peut-être même encore plus loin. Et donc, là, il s'agit de se saisir d'une opportunité qui a été livrée par chance, par Grégoire de Tours, dont les manuscrits ne sont pas très nombreux d'ailleurs. C'est pas une lecture, c'est pas un livre de chevet. Ça vient plus tard. Et donc, on se saisit de ce matériau qui a été complété, comme le disait Régine Lejean, par Frédéguer, par un Austrien, qui écrit un peu plus tard. On a du matériau. Il y a aussi une liturgie, certainement, rémoise, qui s'est mise en place assez tôt parce qu'on a des traces, par exemple, d'ivoire sculpté montrant le baptême de Clovis avec Clotilde, avec Rémy, qui précèdent légèrement le baptême de le sacre de 869. Bref, il y a tout un matériau qu'on utilise et qu'on recompose en disant ce qui s'est passé était tellement excellent qu'il faut le reproduire à notre échelle du mieux possible. Et les mérovingiens, les carolingiens n'ont pas beaucoup de précédents pour faire ça. Par chance, ils ont ces 25 pages de Grégoire de Tours. Ils ont le Grégoire de Tours, ils ont Hincmar. Il y a tout cela pour construire ce mythe de Clovis. Mais, et toujours, c'est quelque chose d'important que vous avez rappelé, Laurentès, la nécessité de regarder en arrière pour légitimer le présent, et quelque chose qui, dès lors, se brise quand la volonté est de rompre avec le passé. J'ai brisé la sainte ampoule sur le piédestal de Louis le Fainéant, 15e du nom. Ce peuple immense, généreux, ne verra plus désormais l'insidieuse farce du sacre d'un brigand heureux. La sainte ampoule n'existe plus. Recevez-en, mes chers collègues, les débris avec le reliquaire qui les contenait, de même que le procès-verbal qui en constate l'anéantissement éternel. Fait aujourd'hui, lundi 7 octobre 1793, l'an 2 de la République. Signé Rulle. Rulle, c'est Philippe Rulle, un député du Bas-Rhin à la Convention, qui en 1793, en pleine Révolution française, brise cette sainte ampoule. Cette sainte ampoule, Régine Lejean, mais plus globalement le baptême de Clovis, qui était devenu un élément de référence, comme une évidente pour la monarchie française. Oui, surtout à l'époque moderne, parce que, comme on l'a dit pendant longtemps, le baptême de Clovis n'a pas été au premier plan. Il le devient avec Hincmar, mais pas auparavant. Ensuite, à la période moderne, effectivement, le baptême de Clovis est constitué comme l'élément fondateur de la monarchie chrétienne et de du royaume très chrétien, la France, fille aînée de l'Église. Et c'est dans cette perspective-là, évidemment, que les révolutionnaires républicains vont détruire cette sainte ampoule et détruire le symbole de cette union entre le roi et l'Église et entre la France et l'Église pour fonder une France républicaine une nouvelle ère républicaine faisant fi de tout le passé catholique et de l'union entre la royauté et l'Église. Mais au XIXe siècle, quand se construisent les identités nationales, bon, le roi chrétien, bon, très bien, pourquoi pas, mais enfin, il peut s'inscrire aussi dans un discours laïque. Eh bien tiens, Laurentès, c'est là où on ressort l'histoire du vase de Soissons, par exemple. Là, le vase de Soissons, c'est pratique. Alors, je voudrais d'abord rassurer les auditeurs qui ne le sauraient pas. En 1825, quand Charles X s'est fait sacrer, on s'est aperçu qu'une main pieuse, au moment où le confessionnel Rulle cassait à coups de marteau la sainte ampoule, une main pieuse, en passant par là, avait récupéré quelques débris de verre auxquels collait encore du Saint-Crème, qui est de la résine et de l'huile à mélanger, et qu'on avait pu, grâce à ça, refaire un sacre avec l'ampoule qui avait servi pour le baptême de Clovis. Ouf. Ce qui veut dire, alors, ça a fait ricaner Chateaubriand, mais Lamartine ou Hugo ont écrit des vers enthousiastes pour montrer cette continuité, que cette chaîne des temps qui avait été brisée malencontreusement pendant la Révolution, mais qui montrait que le destin de la France, eh bien, était riche de tous ses prédécesseurs. Et cela, et c'est pour répondre à votre question, les temps modernes et contemporains l'ont reprise en disant ce baptême de Clovis, ça n'est pas le baptême de la France, mais ça fait partie de ce légendaire nécessaire pour renouer la chaîne des temps à travers des changements de régime. Il y en a quand même eu 9 en moins de 30 ans, pour montrer la continuité, montrer ce qui ne change pas dans ce qui change. Et Clovis est un élément de permanence, un élément de référence, je dirais même un élément de réassurance dans le passé, d'une légitimité qui s'incarne dans des formes diverses, la royauté dans ses régimes, la révolution, le directoire, le consulat, l'empire, la restauration, d'autres encore. Et donc, c'est cette continuité que notamment la monarchie juillet, que les grands historiens, Augustin Thierry, Guizot, Michelet, ont voulu montrer, c'est que la France est riche de tous ses fils, et de tous ses, aussi de tous ses pères. Et parmi les pères, il y a le grand-père, qui est Clovis, qu'on peut utiliser à des fins de propagande, ou enfin d'esprit, d'entretien d'esprit patriotique, et national. Et c'est pourquoi la République, assez facilement, après des controverses, a récupéré aussi Clovis pour en faire un républicain, je veux dire, honoris causa. Oui, c'est ça, parce que il faut regarder un petit peu ce monde-là duquel est issu Clovis, qui n'est même plus compréhensible pour comprendre le mythe de Clovis. Pour le dire autrement, Régine Lejean, il n'est pas besoin de connaître les Mérovingiens pour saisir le mythe de Clovis tel qu'il a été construit. Il se suffit en lui-même avec une série de scénettes et avec quelques éléments majeurs. Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous avez commencé par lire un extrait de l'histoire de France de Lavis, qui n'est pas un historien catholique, hein, et qui fait une leçon que j'ai apprise, d'ailleurs, quand j'étais petite, une leçon sur Clovis qui conquiert la France et qui se fait baptiser avec ses guerriers. Donc là, vous avez, au fond, le résumé de ce que l'on a retenu de Clovis, le conquérant de ce qui va devenir la France et le souverain qui a abandonné le paganisme et qui est devenu chrétien. Ça fonctionne d'autant mieux après la guerre de 1870, évidemment, parce que le vainqueur des Alamans était évidemment le prédécesseur de ce... On aurait dû refaire en 70-71 ce que Clovis avait réussi si longtemps avant, 1400. Et grâce à cette guerre, et ça a été retrouvé encore dans le cadre de 14-18, souvenons-nous de Clémenceau en 1918, la France, hier soldat de l'Église, soldat de Dieu, aujourd'hui soldat du roi, c'était faire allusion à cette construction de Clovis contre l'ennemi héréditaire, les Allemands. Ah, c'est ça, la France soldat du droit. Mais il y a quelque chose qui nous passionne dans cette histoire-là, c'est de voir comment, et vous l'avez très bien dit, Laurentès, ce mythe est malléable et s'adapte à toutes les situations, et évidemment avec des échos très contemporains. À l'occasion du 15e centenaire du baptême de Clovis par Saint-Rémy, nous rendons grâce à Dieu et nous célébrons l'Eucharistie. À Tours, c'était Saint-Martin ou la foi sans frontières. À Reims, c'est Clovis, identifié à une seule nation. Ce matin, un évêque disait tout haut ce que certains de ses collègues ont pensé de cette célébration. Ce que je crains pour Reims, c'est que cette affaire soit tout de même récupérée par des traditionalistes et par l'extrême droite. Et il faudrait que le message du pape soit quand même reçu par d'autres. Et à sa manière, Jean-Paul II a répondu à cette critique en s'adressant à différentes confessions le jour du baptême de Clovis. Le pape a tenté de calmer une polémique annoncée par sa visite à Reims. Nous étions en septembre 1996. C'était la visite du pape Jean-Paul II à Reims. L'évêque qui s'exprimait est Mgr Gaillot, qui mettait des réserves. Il disait « j'ai bien peur que cela soit réutilisé politiquement ». Bon, il n'y a pas eu de surprise. Régine Lejean, bien sûr que le pape est dans sa posture de pape quand il narre cette histoire-là. La polémique vient peut-être de ceux politiques, sans les citer particulièrement, qui ont fait de Clovis le fondateur de la France, qui, pour l'historienne que vous êtes, ou vous, le grand test historien que vous êtes, n'a pas de sens de mettre un début à une histoire, d'une nation ou d'un peuple. Bien entendu, Clovis n'est pas le fondateur de la France, il est le fondateur du royaume des Francs, ce qui est différent, évidemment. Et le royaume des Francs, après la mort de Clovis, va s'étendre à l'est du Rhin, sur ce qui devient l'Allemagne, la Bavière, jusqu'aux Alpes. Donc, ça n'est pas la France, naturellement. Si l'on voulait vraiment chercher une date qui constituerait le début de ce qui va être la France, c'est plutôt 843, le traité de Verdun, la partition de l'empire de Charlemagne en trois royaumes, que Clovis lui-même. Il n'empêche que, on peut dire aussi d'une certaine manière qu'il y a dans les conquêtes de Clovis, dans cette Gaule qui est soumise au pouvoir des Francs, un élément de ce qui va devenir plus tard la France, mais on ne peut pas voir là le moment fondateur de l'histoire de France. Laurentin, ça doit vous faire plaisir hein, d'entendre Régine Lejean qui dit 843 pour une date essentielle dans notre histoire, parce que vous venez d'écrire Charles Le Chauve. Ce que dit Régine Lejean me fait toujours plaisir. je voudrais rajouter que c'est De Gaulle lui-même qui a dit et répété « Pour moi, l'histoire de France commence à Clovis ». Parce qu'il a dit en même temps, la France est pour moi une personne. Or, une personne, elle a une naissance, elle a un développement, elle a une croissance. Et donc, il faut assigner, il paraît nécessaire, si vous voulez, pour créer un sentiment national, que chacun incorpore, d'une certaine manière, la métaphore qu'est Clovis, et il faut lui trouver, à cette France, une origine. Si elle se perd dans la nuit des temps, elle n'a pas de consistance. Donc, il faut trouver un point de départ. Et plus il est, au fond, plus il est moins il est exact, plus il est efficace, parce que on peut, comme je le disais, lui attribuer tout ce qu'on veut. Donc, avec Clovis, on tient quelqu'un de beaucoup plus intéressant que Vercingétorix, parce qu'on a essayé au XIXe siècle de mettre Vercingétorix. D'autres ont essayé Charlemagne, même un peu Dagobert. Mais Clovis, c'est commode parce qu'il est là, je le disais, contre les Alamans, mais au XIVe siècle et XVe siècle, il joue un rôle très actif contre les Anglais. C'est à lui qu'on attribue la découverte des Lys, l'oriflamme de Saint-Denis, la loi salique qui a servi à écarter la monarchie anglaise. Bref, il a servi à des moments critiques. Et donc, se tourner vers Clovis, quand on est en perte de repères, ce qui est peut-être le cas de la France, de la société française, à la fin du XXe siècle, Clovis peut servir encore. Je crois, néanmoins, mais on ne peut rien présager, on le sait surtout aujourd'hui, que la fonction de Clovis est maintenant éteinte. La controverse grotesque qui a eu lieu en 1996 pour savoir s'il y avait eu un baptême de la France, s'il était le roi très... Enfin bref, tout ce remuement, à mon avis, était le dernier sursaut d'une tradition qui s'éteint. Et la preuve est faite que de très bons livres ont paru depuis 1996, le mieux a paru en 1996, donc je peux le dire, qui montrent que les historiens de métier se sont ressaisis du sujet et que je ne crois plus qu'aujourd'hui, mais sait-on jamais, on pourrait faire une campagne électorale ou autre chose sur le nom et sur la figure de Clovis. Mais c'est pas sûr. Mais c'est pas sûr, c'est ça qui est passionnant. En tout cas, ce qui est certain, vous avez cité hein, l'ouvrage de Bruno Dumézil, Le baptême de Clovis, 24 décembre, 505 points d'interrogation. Et vous, Laurentès, vous avez travaillé aussi sur ce mythe parce que c'est passionnant. Il y a l'histoire que l'on peut lire avec vous, Régine Lejean, de Clovis lui-même. Et puis, il y a l'histoire du mythe. Et dans tous les cas, cela raconte un peu notre histoire. C'est ça qui est formidable. Et merci à tous les deux de nous avoir présenté Clovis et ce mythe de Clovis. Merci à Daniel Königsberg d'avoir été Grégoire de Tours, lourd de charge. Ce fut sublime. Merci beaucoup. Il est temps dans le cours de l'histoire de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Pourquoi et comment Poutine se raconte des histoires? Si l'on en croit le compte-rendu fourni par les services de l'Élysée, lors d'un entretien téléphonique qu'il a eu avec Emmanuel Macron le 3 mars 2022, Vladimir Poutine a réaffirmé qu'il avait décidé d'envahir l'Ukraine parce que, selon lui, le pays est dirigé par des nazis qui menacent la sécurité de la Russie. C'est un argument qu'il avait déjà développé en juillet 2021 dans un texte intitulé « De l'unité historique des Russes et des Ukrainiens ». Le dictateur russe y convoquait l'histoire pour affirmer que les Ukrainiens et les Russes ne sont qu'un seul et même peuple et que, je le cite, « l'Ukraine moderne est entièrement une création de l'époque soviétique ». Avant d'ajouter que, si l'Ukraine a fini par devenir indépendante, c'est à cause d'une clique de néo-nazis qui ont pris le pouvoir pour commettre un génocide à l'encontre de la population russe restée fidèle à la mère patrie. Lors de cet entretien téléphonique du 3 mars, Emmanuel Macron aurait répondu à Poutine en disant « Tu te racontes des histoires ». Je trouve que la formule a été bien choisie. Elle me paraît en tout cas préférable à l'argument souvent répété dans les médias accusant Poutine de réécrire l'histoire. Raisonner en termes de réécriture, c'est suggérer qu'il existerait un terrain commun, celui de l'écriture de l'histoire, sur lequel s'affronteraient des protagonistes mobilisant des arguments rationnels contradictoires, comme des avocats qui plaident pour des causes différentes. En reprochant à Poutine de se raconter des histoires, Macron a rejeté ses arguments du côté des illusions, voire des fantasmes, un peu comme le névrosé qui ressasse des événements traumatisants du passé parce qu'il n'est pas parvenu à en faire l'analyse. Il est tout à fait vrai que des millions de soldats et de civils russes ont été tués par les armées hitlériennes durant la Seconde Guerre mondiale. Le peuple russe a fourni une contribution majeure dans la lutte contre le fascisme, et ce sacrifice a provoqué un traumatisme qui hante encore la mémoire collective dans ce pays. Elle est largement relayée dans l'enseignement et dans les commémorations officielles qui exaltent un peuple martyr, livré à lui-même, mais qui a réussi, sous l'impulsion du grand Staline, à vaincre les forces du mal. Cette héroïsation du peuple russe est au cœur des histoires que raconte et que se raconte Vladimir Poutine aujourd'hui, en occultant les réalités moins reluisantes que la recherche historique a établies, concernant par exemple les redditions en masse de soldats soviétiques face aux troupes hitlériennes. L'affirmation visant à assimiler les Ukrainiens aux Russes est une autre dimension de ces fantasmes historiques, démentis par la longue histoire des conflits qui ont opposé la Russie et l'Ukraine depuis le Moyen-Âge et par le fait que l'indépendance de l'État ukrainien a été approuvée par une majorité de citoyens. Il est difficile de savoir si Poutine croit vraiment aux histoires qu'il raconte. Ce qui est certain, c'est que son principal objectif est d'exploiter à son profit la charge émotionnelle que véhiculent encore, surtout chez les plus âgés, ces glorieux récits mémoriels. Eh bien voilà, en écho à tout ce que nous venons de dire, ces glorieux récits mémoriels. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares, avec aujourd'hui à la technique Grégory Wallon. Une émission préparée par Marion Dupointe, Toscan Judès, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou, Valentine Lovrins. Émission à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.